Excusez mon audace, monsieur le baron, mais vous comprendrez comment j'ai pu oser parler ainsi. Je suis sans protection. Ah ah! Oh, monsieur, vous vous méprenez, dit-elle en baissant les yeux. Le baron crut que le soleil venait de disparaître. Je suis au désespoir, mais je suis une honnête femme, reprit-elle. J'ai perdu, il y a 6 mois, mon seul protecteur, le maréchal Montcornet. Ah, vous êtes sa fille. Oui, monsieur, mais il ne m'a jamais reconnue. Afin de pouvoir vous laisser une partie de sa fortune. Il ne m'a rien laissé, monsieur, car on n'a pas trouvé de testament. Oh, pauvre petite, le maréchal a été surpris par l'apoplexie. Allons, espérez, madame, on doit quelque chose à la fille d'un des chevaliers bayards de l'Empire. Madame Marneffe salua gracieusement et fut aussi fière de son succès que le baron l'était du sien. D'où diable vient-elle si matin? Se demanda-t-il en analysant le mouvement onduleux de la robe auquel elle imprimait une grâce peut-être exagérée. Elle a la figure trop fatiguée pour revenir du bain, et son mari l'attend. C'est inexplicable, et cela donne beaucoup à penser. Madame Marneffe, une fois rentrée, le baron voulut savoir ce que faisait sa fille dans la boutique. En y entrant, comme il regardait toujours les fenêtres de Madame Marneffe, il faillit heurter un jeune homme au front pâle, aux yeux gris pétillants, vêtu d'un paletot d'été en mérinos noir, d'un pantalon de gros coutil et de souliers à guêtres en cuir jaune, qui sortait comme un braque. Et il le vit courir vers la maison de Madame Marneffe, où il entra.